بسم الله الرحمن الرحيم طيب في الدرس الماضي dans le dernier درس qu'on a pris on a parlé de du tamayyuz que cette da'wa appelle le tamayyuz de se distinguer des autres da'wat ba'atila que le sunni quelqu'un de clair tu sais à qui tu as affaire d'accord il n'y a pas de choses ambiguës de choses cachées ou autre que cela et il ne se mélange pas aux gens du faux et s'il le fait c'est qu'il est apte à aller les voir pour les conseiller et faire iqamat al-hujja sur eux sinon il s'éloigne d'eux autant que possible وبعد هذا قال دعني فصلكم أبقون بسنة رسالة قال ومن معالم دعوة أهل السنة ملازمة العدل مع العدو والصديق ومع البعيد والقريب le fait d'être juste c'est de cette dawa là c'est qu'elle est juste envers son ennemi envers son ami envers les proches et envers ceux qui sont plus loin les gens qui sont éloignés qui n'ont pas de lien vraiment avec la personne نعم قال نعم هذه ميزة من ميزات من مميزات دعوة السنة أنهم يلازمون العدل كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا هوى أن تعدلوا وإن تألووا وتعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا Dans le sens où Allah a dit, vous qui avez cru, soyez juste et équitable, des témoins justes pour Allah, ne serait-ce que contre vous-même ou contre vos parents ou contre les proches. Et même s'il est riche ou qu'il est pauvre, Allah est plus en droit, c'est-à-dire de recevoir, de juger cette personne-là. Et ne suivez pas les passions en étant injuste. Et si jamais vous vous détournez, sachez que Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية وقوله فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا أي لا يحملنكم الهوى والعصبية وبعض الناس إليكم على ترك العدل في أموركم وشؤونكم بل إلزموا العدل على أي حال كان كما قال تعالى ولا جرمنكم شنآنكم على لا تعدلوا يعدلوا هو أقرب للتقوى D'ailleurs, l'autre verset que je vais citer, c'était Nisa les femmes, verset 135. Donc, Ibn Kathir dit par rapport à ce verset précédent, lorsqu'il dit ne suivez pas les passions pour ne pas être injuste, c'est-à-dire que votre fanatisme et votre accroche, mesalène, à des gens, ou alors votre dégoût pour certaines personnes, ne vous pousse pas à être injuste dans ce que vous faites. Soyez juste en toute situation. Dans ce sens où Allah est dit, et que la haine pour un peuple ne vous force pas à être injuste. Soyez juste, soyez les plus proches de la piété. Al-Ma'ida, verset 8. Et Ibn Kathir dit à propos de ce verset, c'était dernièrement, c'est-à-dire que La yahmilannakum bu'd qawmin ala tark al-'adl fihim bal istamilu al-'adl fi kulli ahad sadiqan kana aw 'aduwa wa lihadha qala liyathaka Allah ta'ala ya'diluhu aqrabu lit-taqwa أي عدلكم أقرب إلى التقوى من تركه ابن كثير رحمه الله تعالى dit à propos du verset c'était précédemment qui lui-même est le verset d'Al-Baïda verset 8 qu'il dit que la haine pour un peuple ne vous empêche pas d'être juste avec ces gens-là c'est-à-dire vous devez utiliser la justice avec toute personne qu'il soit un ami ou qu'il soit un ennemi et c'est pour cela qu'elle a dans le sens où il dit soyez juste sur les plus proches de la taqwa c'est-à-dire que votre justice est plus proche de la taqwa que le fait de la délaisser ويقول الله تعالى وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون dans le sens où Allah dit si jamais vous parlez soyez juste ne serait-ce qu'envers un proche dites la vérité et tenez l'engagement que vous avez pris pour Allah soyez-y fidèles c'est à cela que Allah vous exhorte afin que vous vous rappeliez Al-An'am verset 102 Ibn Kathir قال في هذه الآية يأمر تعالى بالعدل في الفعال والمقال على القريب والبعيد والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وفي كل حال qu'il dit que Allah nous ordonne le verset c'était l'anam verset 52 que Ibn Kathir dit en commentant ce verset que Allah nous ordonne d'être juste dans nos actes et dans nos paroles avec le proche et celui qui ne l'est pas et qu'Allah nous ordonne d'être juste avec toute personne en toute situation et à tout moment يقول الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون dans le sens où Allah dit que Allah vous ordonne la justice ainsi que la bienfaisance et de garder les liens de parenté et vous interdit les turpitudes ainsi que le blâmable et la tyrannie, l'injustice. Il vous exhorte afin que vous vous rappeliez. An-Nahl, Zabay, verset 90. وهذا معلوم عن أهل السنة أنهم يلازمون العدل فشيخ الإسلام ابن تيمية كان في عصره رجل يقال له ابن مخلوف وكان يفتي بقتل الشيخ الإسلام ابن تيمية ويكفره فأراد السلطان أن ينتقم من ابن مخلوف لشيء في نفسه فقال الشيخ الإسلام ابن تيمية إن ابن مخلوف كان يفتي بقتلك وبكفرك وأريد منك فتوى بقتله وأنا أقتله. Donc il dit qu'il y avait qu'il est connu que les gens de la Sunna sont justes, même envers leurs opposants. Il cita une histoire de Cheikh al-Islam à son époque, qui avait un homme qui s'appelait Ibn Makhlouf, qui émettait comme fatwa de tuer Cheikh al-Islam et qui le rendait mécréant. Donc de là, le gouverneur a voulu se venger de cet homme-là, pour une chose qu'il avait en lui par rapport à cette personne-là. Et il aimait Cheikh al-Islam. Donc il a dit à Cheikh al-Islam, cet homme Ibn Makhlouf dit... donne comme avis juridique de te tuer et te rend mécréant. Donc je veux une fatwa de toi, c'est-à-dire il demande à Cheikh Islam, donne-moi une fatwa afin que je puisse tuer cet homme-là. Et Cheikh Islam a refusé. Tayyib a refusé. Il a dit, le mal que fait cet homme-là, ce mal ne l'en vient qu'à lui-même. Et celui qui s'en prend à Allah, son messager, alors venge-toi de lui. Celui qui enfreint les lois d'Allah Azzawajal et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, il mérite une sentence. Et moi, je ne me venge pas pour secourir ma propre personne. Ça, c'est parmi les choses importantes des gens de la Sunna, que lorsqu'ils répliquent à quelqu'un, lorsqu'ils dévoilent quelqu'un, ce n'est pas pour leur besoin personnel, c'est pour la Ummah, pour le conseil de la Ummah. C'est pour ça qu'ils sont justes. Et si les erreurs causées ne montent pas sur leurs adversaires, même si on fait la honte, on n'a pas le droit de mentir. Alors qu'en est-il d'un musulman? Il n'est pas permis d'inventer sur lui des choses pour le faire tomber. Ce qui fait tomber les gens sur leurs actes. Et les ulama obéissent ces actes qui sont blâmables, qui sont des transgressions. Et de là, après, celui qui s'oppose et qui refuse d'accepter, Allah le fera tomber. Il tombera de lui-même. Le but n'est pas de faire tomber les gens, mais de dévoiler leurs erreurs pour ceux qui n'acceptent pas de revenir, afin que les gens les évitent. وَقَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَمَّا سُجِّنَ جَاءَهُ أُنَاسٌ فَقَالُوا لَهُ أَلَنَا خُرُوجُ قَالَ لَا قَالُوا فَإِنَّهُمْ عَذَّبُوكَ وَأَذُوكَ قَالَ لَا إِنَّهَا فِتْنَةٌ قَالُوا وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ قَالَ هَذِهِ فِتْنَةٌ خَاصَّةٌ وَتِلْكَ عَامَّةٌ وأبى رحمه الله تعالى أن يأذن أحد بالخروج على السلطان ولن ينتقم لنفسه. Donc lorsque l'imam Ahmed, lors de l'épreuve, vous avez connu sur le Coran, lorsqu'on a voulu le forcer à dire que le Coran était créé, il était mis en prison. Et les gens qui étaient avec lui, qui le soutenaient, ils ont dit, est-ce que nous sortons contre le gouverneur? C'est-à-dire, par soutien pour ta personne, nous allons sortir contre le gouverneur. Il a dit, non, ne faites pas cela. Ils dirent, mais ils t'ont châtié et ils t'ont nui. Il dit, non, car la sortie contre le gouverneur serait une fitna. Et il dit, et quelle fitna est plus grande que celle qui t'arrive actuellement? Il a dit, non, cette fitna-là qui m'arrive à moi, elle m'est propre, elle est particulière. Alors que le fait de sortir contre lui, c'est une fitna qui est générale, qui fera plus de mal encore. Donc il a refusé d'autoriser à qui que ce soit de sortir contre le gouverneur. Et que les gens se vengent pour lui. Il n'a pas voulu cela. Il a patienté, Allah l'a élevé à Azzawajal. Donc regardez, malgré l'épreuve qu'il a subie du gouverneur, il ne s'est pas révolté contre lui, ni n'appelé à ce que les gens sortent contre lui. Il ne s'est pas servi de son épreuve pour en faire une émeute générale et faire des fatawas pour cela. Donc là, attention, car c'est une chose qui amène une porte à la Hizbiya. Des gens marchent sur la règle que l'ennemi de mon ennemi est mon ami. C'est-à-dire demain, tu as un opposant à la sunna que tu dévoiles pour Allah Azzawajal. Et d'autres personnes t'aident en cela à dévoiler cet homme-là. Mais ces gens-là le dévoilent peut-être pour autre chose, pour d'autres raisons, peut-être qu'ils ne l'aiment pas pour des raisons personnelles ou autres. Et ces gens-là qui te soutiennent dans ton dévoilement de cet homme-là ont eux-mêmes des erreurs que toi, à la base, tu n'agrées pas, car elles sont des transgressions à la religion. As-tu le droit de faire l'éloge de ces gens-là, du fait qu'ils te soutiennent? Non, ça ne marche pas comme ça. Ces gens-là t'ont soutenu, leur soutien les concerne. Toi, tu dis, un tel, je l'ai dévoilé pour ses erreurs, et les autres qui me soutiennent, leurs erreurs, j'en suis innocent, ils ne sont pas mes amis également, je ne suis pas avec eux. Je ne suis pas avec eux également. Et Kana dit que le contraire, l'ami de mon ami est mon ami. Il se peut qu'une personne, des personnes s'entendent entre elles pour des raisons, et que parmi eux, il y ait certains d'entre eux et des transgressions. Ne dis pas comme un tel est l'ami de mon ami, je ne parlerai pas sur lui. S'il y a besoin de dévoiler des erreurs, il faut le faire. On ne marche pas au sentiment, à l'amitié, au copinage. D'accord ? Et que même si un sunni salafi fait une erreur, il faut le conseiller. Et s'il persiste, il faut prendre le ton qui va avec. Qui qu'il soit, même si c'est un savant de la sunna. D'accord ? Et ne pas dire comme un tel c'est mon cher, je ne parle pas sur lui, je l'obéis dans toute chose, je le suis. Ou un tel c'est mon ami, il a des erreurs, mais je me tais sur lui. Non. Ou un tel, je ne l'aime pas. Donc même s'il n'a rien fait, comme je ne l'aime pas, je m'en tirerai sur lui et je soutiendrai ceux qui parlent sur lui injustement. Les gens de la sunna n'agissent pas de la sorte. Ce sont les contraires au adl, à la justice que Allah nous a appelé, dont Allah nous a demandé de faire preuve. Donc les gens, cette darwala n'appelle pas à cela, mais elle appelle à la justice, même avec le mécréant, d'être juste. Naam. Donc là, après cela, il a fini cette risala, d'accord, dans laquelle il a bayen des points qui démontrent cette darwa, sur quoi elle se base. Après, il dit, celui qui veut plus de tawassur, plus de détails sur la question, il y a des kutub qui ont été faits pour ça, qui ont été écrits pour ça, comme le wasatiyya de Cheikh l'Islam, également, ou le Sharia de l'Ajurri, ou le Sunna de l'imam du fils Abdullah, le fils de l'imam Ahmed, également, Sunna de l'Barbahari, le Shar al-Tahawiyya de Ibn Abi al-Izz, et d'autres kutub qui parlent beaucoup de la croyance des gens de la Sunna en détail. Et plein de kutub de ulama. Et après, c'était des ulama références en cette époque, et parmi ceux qu'il a cités, certains ont dévié alors qu'il est, donc on le. Parmi ceux du Yémen, par exemple, certains ont dévié malheureusement, ne sont plus sur quoi ils étaient auparavant. Donc, on réénumère les points de cette celui-là là. Que les gens de la Sunna s'apparentent à la Sunna, car la Sunna, c'est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'ils sont appelés les gens de la Sunna, car ils suivent la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que cette da'wa est la da'wa du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Que la da'wa des gens de la sunna a divisé entre les gens du vrai et les gens du faux. Que cette da'wa attache une grande importance à la croyance authentique. Également que cette da'wa donne beaucoup d'importance à l'apprentissage de la science légiférée. Al-ilm shar'i. Que cette da'wa lie les gens à Allah azawajal et non à la dunya. Que cette da'wa est une cause de réforme pour la société. Que le da'i salafi sunni commence par sa propre personne. Que les gens de la sunna ne se testent pas sur le faux. Que le minhaj des gens de la sunna est infaillible à l'erreur, contrairement aux individus. Que cette da'wa n'est pas une da'wa matérialiste, mais une da'wa qui est elle pour Allah Azzawajal en vue d'obtenir le Jannah. Que les gens de la sunna ne cherchent pas à plaire aux gouverneurs, ne se rapprochent pas d'eux en vue de pouvoir obtenir des avantages de ce bas monde. Et ils font dua pour eux que Allah les réforme, leur accorde la réforme. Que les gens de la sunna n'appellent pas au suivi aveugle, au taqlid. Que la da'wa des gens de la sunna met en garde contre le fait de chercher à ressembler aux kuffars et de mettre en garde contre cette conquête spirituelle qu'ont lancé les kuffars contre les muslimines. Que les gens de la sunna, leurs ennemis mentent sur eux et inventent toutes sortes d'injustices afin de pouvoir les discréditer. Que les gens de la sunna appellent à la paix, c'est-à-dire légiférer, et à la sécurité, et mettre en garde contre tout ce qui sème le trouble. Que les gens de la sunna interdisent la sortie contre le gouverneur musulmane, tant qu'il reste musulmane, et même sortir contre le kuffar, il y a des conditions. Il ne faut pas que cela amène un plus grand mal, et que cela amène à ce que le sang chez les musulmanes coule en masse. Également, que cette da'wa ordonne le convenable et interdit le blâmable. Cette da'wa se distingue, appelle à la distinction entre les gens des passions. Cette da'wa appelle à la justice avec l'ennemi comme avec l'ami, le proche ou celui qui est éloigné. Naam. Et il y a d'autres points encore, mais si tu vois une personne mâcher sur ces points-là tous, c'est ce que tu vas faire à un vrai salafi. C'est ce que tu vas faire à un vrai sunni salafi. Après, il n'est pas à l'abri de commettre des erreurs, mais sa da'wa doit tourner autour de ces points-là, et d'autres encore qui n'ont pas été cités ici, mais ceux-là sont parmi les plus importants. Naam. Fa biadalakon naktafi, wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.